Chapitre 38e. Madame Bastien, dont le cœur battait violemment, posa la lampe sur la cheminée de la salle d'études et dit à son mari « Que désirez-vous, monsieur ?» Jacques avait atteint ce degré d'ivresse qui n'est pas la déraison, qui laisse même l'esprit assez lucide, mais qui rend la volonté implacable. Il ne répondit pas d'abord à la question de Marie, qui reprit « Veuillez, monsieur, je vous en prie, m'apprendre ce que vous désirez de moi. » Jacques, les deux mains plongées dans les poches de sa blouse, se tenait debout devant sa femme. Tantôt il fronçait les sourcils d'un air sinistre en la regardant, tantôt il souriait d'un air sardonique. Enfin, s'adressant à Marie d'une voix lente et mal assurée, car la demi-ivresse où il était plongé empâtait déjà sa parole et l'obligeait à des pauses fréquentes, il lui dit « Madame, il y a environ 17 ans et demi que nous sommes mariés, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » « À quoi m'avez-vous été bonne, monsieur ? Vous ne m'avez pas seulement servi de femme. » Marie, la joue colorée de honte et d'indignation, fit un pas pour sortir. Bastien lui barra le passage et s'écria en élevant la voix. « Restez là !»« Silence, monsieur !» dit la malheureuse femme, dont les craintes se renouvelèrent car David et Frédéric pouvaient être éveillés et attirés par le bruit d'une altercation. Aussi, s'attendant à de nouveaux outrages et résignée d'avance à les subir, Marie dit à Jacques d'une voix tremblante « Par pitié, monsieur, ne parlez pas si haut, l'on pourrait nous entendre. Je vous écouterai donc, si pénible que semble devoir être pour moi cet entretien. » « Je vous disais donc que vous ne m'aviez été bonne à rien depuis que nous sommes mariés. Une servante à 20 écus de gage aurait tenu ma maison mieux que vous et à moins de frais. »« Peut-être, monsieur, » reprit Marie avec un sourire amer. « Cette servante n'eût pas, comme moi, élevé votre fils. » « Haïr son père ? Monsieur, assez ! J'ai bien vu cela ce soir. Si vous ne l'aviez retenu, ce polisson-là m'invectivait et se rangeait de votre bord. C'est tout simple et il n'est pas le seul. Dès que j'arrive ici chez moi, dans ma maison, chacun dit « Voilà l'ennemi, voilà la bête noire, voilà l'ogre. » Eh bien, va pour l'ogre, ça me chausse. » « Vous vous trompez, monsieur. J'ai toujours élevé votre fils dans les sentiments de respect qui vous sont dus, et ce soir encore, assez !» s'écria Hercule en interrompant sa femme, et il poursuivit sa pensée avec la ténacité de l'ivrogne qui concentre sur une seule idée tout ce qui lui reste de lucidité dans l'esprit. « Je vous disais donc, reprit-il, que depuis notre mariage, vous ne m'avez servi à rien. Vous avez fait de mon fils un freluquet à qui il faut des précepteurs et des voyages d'agrément pour chasser ses vapeurs, et qui, par là-dessus, m'exècre. Vous m'avez dévalisé mes bois et mon argenterie, vous m'avez volé. » « Monsieur, s'écria Marie, indignée, vous m'avez volé !» répéta l'Hercule d'une voix si éclatante que la jeune mère joignit les mains en murmurant « De grâce, monsieur, pas si haut, pas si haut !» « Voilà donc depuis 17 ans à quoi vous m'avez servi, à rien ou à mal, ça ne peut pas durer. Que voulez-vous dire ? J'en ai assez. Mais j'en ai trop, je n'en veux plus. Je ne vous comprends pas, monsieur. Non ? « Eh bien, quand quelqu'un ou quelque chose m'embête, je m'en débarrasse, et plus vite que ça. » Malgré l'état d'excitation où elle le voyait, Madame Bastien ne crut pas un moment que son mari pût penser à la tuer. Aussi, tâchant de deviner sa pensée sur son masque sinistre et hébété, elle lui dit « Si je vous comprends bien, monsieur, vous êtes décidé à vous débarrasser des personnes qui vous gênent ou vous déplaisent. Juste. Ainsi, votre godelureau de fils m'embête, et demain je m'en prive. » « Vous vous en privez ? Mais monsieur, paix ! Bridoux le prend. Il l'emmènera demain au soir à notre retour de Blémur. Vous dites, monsieur, que monsieur Bridoux prend mon fils ? Veuillez m'expliquer. Il le prend en pension comme saute-ruisseau. Et votre Benjamin, qui n'est pas le mien, sera logé, nourri, blanchi, et gagnera 600 francs à 18 ans, si Bridoux en est content, et d'un dont je me prive. » « Personne ne disposera de l'avenir de mon fils sans mon consentement, monsieur. »« Hein ?» fit Jacques avec une sorte de rugissement sourd. « Oh, monsieur, vous me tueriez sur place que je vous tiendrai le même langage. »« Hein ?» fit de nouveau le colosse d'un ton plus menaçant encore. « Je vous dis, monsieur, que mon fils ne me quittera pas. Il continuera ses études sous la direction de son précepteur. Je vous ferai connaître, si vous le voulez, les projets que j'ai sur Frédéric et... »« Ah, c'est comme ça !» s'écria le colosse furieux de la résistance de sa femme. « Eh bien, demain, je prendrai le cracheur de latin par les épaules et je le flanquerai à la porte de chez moi, encore un qui m'embêtait et dont je me priverai. Quant à vous, quel sera mon sort, monsieur ? Vous me débarrasserez le plancher comme les autres. Que dites-vous, monsieur ? Quand j'en ai assez ou quand j'en ai trop de quelque chose ou de quelqu'un, je m'en prive. Ainsi, monsieur, vous me chasserez de chez vous ? Et roide encore ! Depuis 17 ans, vous ne m'êtes bon à rien. Vous avez tourné mon fils contre moi. Vous m'avez dévalisé mes bois, volé mon argenterie. Ça m'embête, je m'en prive. Mais, minute, où sont vos bijoux ? Mes bijoux ? Demanda Marie, stupéfaite de cette demande inattendue. Oui, vos bijoux, valant à peu près 1000 francs. Allez me les chercher et donnez-les-moi. Ça compensera l'argenterie que vous avez dévalisée. Ces bijoux, monsieur, je ne les ai plus. Comment ? Je les ai vendus. Hein ? S'écria Jacques en balbutiant de colère. Vous les... Je les ai vendus, monsieur, en même temps que l'argenterie et pour le même objet. Vous mentez ! S'écria le colosse d'une voix formidable. Oh, plus bas, monsieur, je vous en supplie, plus bas. Vous cachez vos bijoux pour ne pas m'indemniser, ajouta l'Hercule en faisant un pas vers sa femme les poings fermés, livide de rage. Vous êtes une double voleuse. Grâce, monsieur, ne criez pas ainsi, s'écria la jeune mère, ne songeant pas seulement à la grossièreté des injures dont on l'accablait, mais tremblant que Frédéric ou David ne s'éveillassent aux éclats de voix de Bastien. En effet, furieux de ne pouvoir, pour compenser la perte de son argenterie, s'emparer des bijoux de sa femme, idée fixe dont il s'était préoccupé toute la soirée, Jacques ne se connut plus. L'excitation de la colère et celle de l'ivresse se confondirent en une exaltation sauvage et il s'écria « Ah, vous m'avez caché vos bijoux, eh bien ça ne sera pas demain que vous sortirez de chez moi, ça sera tout de suite !»« Monsieur, c'est une raillerie cruelle, » répondit Marie, brisée par tant d'émotions. « Je désire rentrer chez moi, la nuit avance, je suis glacée. Demain, nous parlerons sérieusement. Vous aurez alors tout votre sang-froid et... »« C'est-à-dire que maintenant je suis sous, hein ?»« À demain, monsieur, permettez-moi de me retirer. » Jacques, effrayant de colère, de haine et d'ivresse, fit un pas vers sa femme et lui montrant le sombre corridor qui conduisait à la porte du dehors. « Sortez de ma maison, je vous chasse, double voleuse !» Marie ne pouvait croire que Jacques parlât sérieusement. Elle ne cherchait qu'à terminer au plus tôt cet odieux entretien, afin d'empêcher l'intervention de David et de son fils. Aussi reprit-elle en s'adressant à son mari avec la plus grande douceur afin de le calmer. « Monsieur, je vous en supplie, rentrez chez vous et laissez-moi rentrer chez moi. Je vous répète que demain... »« Tonnerre de Dieu !» s'écria Jacques hors de lui. « Je ne vous dis pas de rentrer, mais de sortir de ma maison !» « Faut-il que je vous prenne par les épaules pour vous mettre dehors ?»« Dehors ?» s'écria Marie qui comprit enfin, à l'expression d'hébétement farouche de la physionomie de Jacques, qu'il parlait sérieusement. C'était féroce, c'était stupide, mais qu'attendre d'un tel misérable encore exalté par l'ivresse ?« Dehors ?» reprit donc Marie avec épouvante. « Mais monsieur, vous n'y pensez pas, il fait nuit, il fait froid. Qu'est-ce que ça me fait à moi ?»« Monsieur, je vous en conjure. » « Revenez à vous, mon Dieu. Il est 1 heure du matin. Où voulez-vous que j'aille ?»« Je m'en... Mais monsieur... »« Une fois, sortiras-tu, voleuse ?» Et le colosse fit un pas vers sa femme. « Monsieur, un mot, un seul mot.